Ok, donc on va commencer la première intervention d'éducation populaire avec Antoine qui vient nous parler de l'expérience égalitaire de la redistribution des terres 800 ans avant Jésus-Christ par Lycurge. Même je me trompe, c'est Lycurgue. Lycurgue. D'accord. Bon, on va voir tout ça. Voilà, donc comme on est un petit peu en retard, on finira un petit peu en retard, quoi, à 16h20. On va pousser la bâche. Voilà, je vous rappelle que toutes les interventions sont enregistrées par le micro et donc on les retrouve en ligne ensuite sur le site d'éducation populaire ou via le Facebook. Donc voilà, je donne la parole à Antoine. Bonjour, venez un petit peu plus près si vous voulez qu'on se... Bon ben moi je vais m'approcher. Je m'appelle Antoine, je viens de Montreuil. Là-bas, on a un lieu qui s'appelle La Parole Errante, avec les camarades. Donc, aujourd'hui, on parle de cette expérience égalitaire, cette expérience qui a rendu des hommes égaux. C'est-à-dire que, à la fin de cette expérience, c'est un petit peu comme si nous, on mettait tout notre argent. Ouais. Tu vas être notre modérateur ? D'accord. Ok, je le mets plus près de la bouche. Donc je disais, c'est un petit peu comme si on mettait tout notre argent, pas seulement celui qu'on a dans les poches, mais celui qu'on a à la banque et nos... ensemble, on le redistribuait en quatre, et après on se regardait, et on sait qu'on est égaux. Monétairement, notre pouvoir d'achat, c'est pour moi, c'est une façon d'être frère. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est à Sparte, 800 ans avant Jésus-Christ, et donc il y a la ville de Sparte, et tout autour il y a la Laconie. La Laconie, c'est le territoire qui dépend de Sparte. Et de la Laconie viennent des hommes qui tiennent plus. Ils tiennent plus sur leur territoire, ils n'y arrivent plus. C'est des SDF. Ils arrivent à Sparte. Il y a des SDF à Sparte. Et les richesses, elles sont dans les mains d'un petit groupe. Donc déjà, je vais m'asseoir. Déjà, 800 ans avant Jésus-Christ, on se retrouve sur un schéma qu'on connaît bien, qui s'est répété. Mais la différence, c'est que là, à ce moment-là, Lycurgue, lui, il a le pouvoir. Il a le pouvoir et il va édicter des lois. C'est les lois de Lycurge et les lois de Lycurge sont restées sacrées très très longtemps après sa mort. C'est-à-dire que on est en train de parler d'une expérience qui a réussi. Il va redécouper les terres. Il va redécouper les terres pas en prenant la surface, mais en prenant le rendement. C'est-à-dire que il va prendre il faut que toutes les terres qu'il va distribuer donneront 40 sacs d'orge. 40 sacs d'orge, un équivalent d'huile, de vin, de fruits, de légumes. Et il fait ça et il redistribue toutes les terres. Lycurgue, il interdit l'usage de l'or et de l'argent. Il y a les pièces d'or et d'argent, c'est à Sparte, c'est terminé. Les bateaux marchands vont plus s'arrêter à Sparte parce qu'ils ne peuvent pas recevoir de paiement pour leurs marchandises. Lycurgue va introduire une monnaie de métal qui fait tremper dans le vinaigre pour que ce soit plus utilisé, pour que ce soit pas réutilisé. On a vu en Italie, à un moment de déflation monétaire, où la monnaie coûtait moins que son poids, c'était refondu pour gagner de l'argent, tu vois. Là, c'est plus possible. C'est un morceau de métal qui est trempé dans le vinaigre. Voilà. Et ça fonctionne. C'est-à-dire que en parcourant la Laconie, il va Lycurgue va voir des champs qui sont travaillés et des tas de foin et des choses égales. Les hommes sont devenus égaux sous ses lois. Ensuite, il va passer à autre chose. Il va vouloir que les hommes de Sparte mangent tous ensemble. Il va plus vouloir que les gens mangent chacun chez eux. Mais il y a des tablés où tout le monde amène ce qu'il faut pour manger, mais tout le monde mange ensemble. Les enfants doivent venir et écouter ce que disent les grands. Alors, là, tout à l'heure, quand j'aurai fini l'exposé, vous me direz ce que vous en pensez, parce qu'il est question de faire la différence entre l'expérience égalitaire et l'aspect fasciste qui existe à Sparte. Hein. Il y a cette expérience égalitaire, elle a réussi, mais Sparte est quand même fasciste. Il y a des choses à Sparte qui sont fascistes. Et il s'agit d'essayer ensemble de comprendre un petit peu. Alors, donc il interdit que les gens mangent chez eux, que les Spartiates mangent chez eux à la maison. Et à ce moment-là, il y a une révolte. Il y a une révolte. Il lui court après. Il s'enfuit. Il y a des gens qui viennent pour l'attraper. Il s'enfuit. Et puis, un moment, il s'arrête de fuir, il se retourne, il fait face à la révolte. Et il y a un plus jeune qui était devant les autres, qui avait un bâton et qui lui crève un œil. Alors, Lycurge, c'est pas n'importe qui, c'est le législateur, il va devenir roi. On attrape le fautif et on le présente à Lycurge. Et Lycurge va pas le punir. Il va pas le mettre en prison, il va pas le faire tuer. Il va le prendre à son service. Ce jeune homme va venir au service de Lycurge dans sa maison. Et quand il va voir quel homme était Lycurge, il va devenir un disciple de Lycurge. Il va regretter son geste. Voilà. Donc, il y a cet épisode-là. Ensuite, il va interdire qu'on fasse que dans les maisons les boiseries soient bien lisses, mais il faut que ce soit taillé à la serpette, avec l'outil de menuisier, mais là avec un outil grossier. Il faut pas que l'intérieur des maisons soit bien fini pour qu'il y ait des beaux meubles et tu vois. Donc il va interdire ça aussi. Il souhaite en fait le résultat des lois de Lycurge, c'est que les Spartiates ne vont plus se distinguer par l'argent, mais ils vont se distinguer par leurs valeurs. Par leur valeur au combat ou par leur valeur morale dans la cité. C'est un autre tissu social. C'est complètement différent. Voilà. Donc ça c'est les lois de Lycurge. Qu'est-ce qu'était Sparte à cette époque? Sparte, c'est une cité où il y a plusieurs étages de citoyenneté. Il y a le citoyen de plein droit qui jouit donc de tous ses droits. Il y a l'esclave. Il y a cinq strates de citoyenneté différents. C'est donc qu'est-ce qu'il y a encore? Bonjour. Approche-toi. Je vais passer le micro à notre camarade, elle a quelque chose à nous dire. Non, je faisais juste une petite remarque, les enfants et les femmes, ils avaient un statut qui était assez proche des esclaves. Ouais, ouais. Mais il me semble, hein. Au niveau de du droit de vie, peut-être, je pense, par exemple. Alors, la condition de la femme à Sparte, elle est celle-ci. La femme à Sparte est libre. Elle obéit pas à la loi de son mari. Et d'ailleurs, il y a un événement où les... Peut-être. Tu sais, là on est 800 ans avant Jésus-Christ. Toi, tu parles peut-être d'un moment après, ou tu vois, ou peut-être une autre ville. La femme spartiate est entièrement libre. Elle fonde la gymnastique, elle participe à des courses à pied. Elles sont extrêmement libres au point que quand les soldats de Sparte sont revenus d'un moment où ils devaient arrêter une armée ennemie, ils sont arrivés sur une plaine qui était impossible à défendre. C'est-à-dire qu'ils avaient des myriades d'ennemis et ils ont vu tout de suite, c'est trop grand, on va se faire bouffer. Donc ils sont revenus à Sparte. Les femmes de Sparte ont dit quoi? Vous êtes revenus sans verser le sang? Elles n'ont pu coucher avec leur mari. Elles ont refusé l'acte d'amour avec. Elles sont vraiment libres. Ce qu'elles ont pas par rapport à l'homme, c'est elles ont pas accès à la politique. C'est tout. C'est elles qui commandent toute la maison. L'homme de Sparte, il est pas à la maison. Il est à l'entraînement. Toute sa vie, il s'entraîne et il s'entraîne ou il est dans des combats. C'est la femme qui est la maîtresse de la maison. Et il y a un système. C'est pas un système. Mais les femmes de Sparte, on dit qu'à Sparte, les murs, dans l'Antiquité, les murs avaient des oreilles. C'est-à-dire que, surtout, il fallait pas se mettre à dos les femmes. C'est-à-dire que les femmes savaient tout ce qui se passait, c'était un petit peu les concierges, quoi, et c'était extrêmement dangereux de les avoir pour ennemis, quoi. Elles régissaient les serfs qui travaillaient aux champs. Chaque maison avait ses champs, et c'était elles qui commandaient tout le fonctionnement de la maison. Donc, elles avaient un vrai pouvoir. Elles n'avaient pas le pouvoir de vote, elles n'avaient pas le pouvoir politique. Mais c'est des femmes libres. C'est un petit peu extraordinaire, c'est la liberté de la femme spartiate. Je pense qu'elle peut même quitter son mari si elle le souhaite. Elle est vraiment libre. Alors, où est-ce que j'en étais, moi? J'en étais à Lycurge avec ses lois. Ah oui, donc, je disais, il y a plusieurs strates de citoyenneté à Sparte. Et le fait... tu veux écouter? Tu veux... Il faut que tu t'assoies et que tu écoutes. Ouais, et que tu écoutes. Assieds-toi. Si tu veux, tu écoutes, mais sinon, ça va pas, quoi. j'écoute. Bah, il faut que tu t'assoies. Tu caches les camarades, ça va pas. Non, moi, je ne sais pas mes camarades. Je ne sais pas mes camarades. Voilà. Donc, il y a plusieurs strates de citoyenneté. Il y a aussi autre chose. Il y a des assassins. Ces assassins, ils s'appellent les cryptis. Quand ils ont certains soldats, quand ils ont fini leur formation de soldat à l'âge d'une vingtaine d'années, ce que Sparte peut pas régir par les lois, ils assassinent. C'est-à-dire qu'ils sortent la nuit et ce qu'ils n'arrivent pas à régler par les lois, ils savent que un tel, je sais pas quoi, ils y vont, ils l'assassinent. Donc là, on est clairement sur la Sparte fasciste. C'est pas Lycurge qui a amené ces lois-là, mais elles existent. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était différencier l'aspect égalitaire de l'aspect fasciste. Donc, s'il y a cinq citoyennetés, si un homme à Sparte peut pas être citoyen de plein droit, après je vous passerai le micro, mais on est sur quelque chose, c'est pas égalitaire. Moi je parlerai de, on bascule dans l'aspect fasciste. Après, c'est sympa de bouffer tous ensemble sur des grandes tablées. Mais c'est interdit de manger tout seul à la maison. Donc là, on t'enlève quand même ta liberté. On t'enlève. Si aujourd'hui on nous disait, toi, t'as pas le droit de manger toute seule à la maison, c'est plus de la liberté, c'est plus égalitaire. Il y a un autre aspect. Les lois de Lycurge, il a régi la sexualité des Spartiates. Les Spartiates, quand ils prenaient épouse, l'épouse, elle était emmenée chez une femme qui l'habillait, qui la préparait, et puis elle reposait sur un lit de paille. Le Spartiate venait, la prenait, il l'emmenait chez lui, et puis il fallait qu'il passe un temps court avec son. On parle de son épouse, on parle pas de. C'est le mariage. Il fallait qu'il passe un temps court avec sa femme et d'une manière cachée, d'une manière pour que il reste vigoureux toujours les deux et que il régit quand même les actes d'amour entre les Spartiates. Il va loin comme. Bon, on peut lui trouver l'excuse que c'est 800 ans avant Jésus-Christ, mais néanmoins. C'est quand même un homme qui avait une bonne réflexion. Il est allé vachement loin, quoi. Voilà. Donc, je vous ai présenté le sujet, et maintenant, je souhaiterais qu'on fasse le débat et que vous me disiez ce que vous pensez de l'aspect égalitaire et de l'aspect fasciste. Voilà. Mais je tiens à souligner deux points. C'est que un point, c'est une expérience égalitaire qui a réussi. C'est resté au cours des temps. Les Spartiates sont connus pour des grands guerriers. Il faut 10 Athéniens pour vaincre un Spartiate. Il faut 3 Thébains pour vaincre un Spartiate. Il faut 20 Perses pour vaincre un Spartiate. C'est des grands soldats. Mais avant d'être des grands soldats, c'est des hommes égaux. C'est ça. Et c'est resté, et ça n'a plus changé, quoi. C'est resté au cours du temps. Voilà. Donc, c'est une expérience égalitaire réussie. Donc, c'est possible. C'est quelque chose qui est possible. Y compris dans une société semi-primitive, quoi. C'est quand même les débuts de l'écriture. C'est, je sais pas si on peut dire primitive ou semi-primitive. En tout cas, c'est pas une société comme on a nous développée. Mais si eux l'ont fait, c'est que c'est possible. Et il y a un deuxième point que je voudrais souligner auprès de vous, c'est que c'est un point d'histoire qui n'existe pas chez nous. C'est un point, c'est comme si c'était caché. Il n'y a pas de film, il n'y a pas de livre, il y a des moments dans l'histoire qui sont héroïques, on a des héros, Spartacus, on n'a pas Lycurge. Ouais, et... Alors, par exemple, Spartacus, ce que je sais, c'est que au niveau des écrits, il n'y a eu aucun écrit parce que les Romains, la transmission, elle a été très difficile de... Ouais. Parce que, comme les Romains, ils contrôlaient tout, mais c'est resté, je pense, dans la mémoire et ça a été transmis par la suite, quoi. Alors, je me suis rendu compte déjà qu'il y avait des choses que je connaissais pas sur Sparte parce que, en fait, je l'ai étudié en histoire du droit, mais d'une manière en survol. Donc, du coup, j'avais un point de vue du peuple des Spartes qui était barbare, guerrier, voilà. Et puis. Non, mais... Ils sont très intelligents à propos de la reine. Non, j'ai pas besoin de ça. On n'entend pas comme ça. On avait envie d'entendre ici ce que vous avez à dire. Qu'est-ce qu'ils sont prêts? C'est un peu ou pas? Toi, tu connais un peu Sparte. D'accord. D'accord. D'accord. D'accord. Non, ils avaient les Spartiates réfléchissaient. Les actes et les décisions qu'ils prenaient étaient bien réfléchis. C'était pas des sauvages sanguinaires. Au combat, c'était des soldats. Oui, sauvages, oui. Au combat. D'accord. Il y a un bataillon à Thèbes, dans une ville qui est au nord de Sparte. À une époque, c'était le bataillon sacré. Ces soldats étaient par couple, par amant. C'était prévu comme ça, pour qu'ils soient plus forts dans la bataille. Mais Là, on est dans la bataille. Si tu veux, moi, pour aujourd'hui, ça m'intéresse pas trop. On sait, les soldats grecs, ils ont. Là, ce qui m'intéresse, c'est que ils sont devenus des hommes égaux parce que leur territoire, les terres qu'ils avaient, ont été redistribuées. Tu sais, tu vois, à Sparte, 800 ans avant Jésus-Christ, ils ont redistribué les terres et tous les Spartiates étaient des hommes égaux. Ils avaient les mêmes terres, tu vois. Et donc, alors j'en reviens au fascisme et à l'égalitaire. Le fascisme, il faut faire attention. Le fascisme, on doit faire attention, nous, quand on est à la maison avec nos enfants, quand ça va très très vite. Les ordres qu'on donne, si on est intransigeant ou si on est bienveillant. C'est là, pour en revenir à Sparte, qu'est-ce qu'on a? On a Lycurge qui dit vous resterez hommes et femmes pas longtemps. Qui est-ce qui est prêt à accepter qu'on dise tu prends femme et tu resteras ce temps-là pas plus? Faut pas rester trop longtemps. Je pense que Lycurge, tout grand législateur qu'il était, il était dans l'erreur. On doit pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut interdire de manger à la maison? Tu vois? Je pense que et je voudrais vous entendre à ce sujet-là sur les expériences que sur ce que vous connaissez d'expériences égalitaires dans l'histoire, si vous connaissez d'autres expériences comme ça. Mais moi je pense que si à Sparte on en était resté à redécoupage des terres, abolition de l'or et de l'argent, c'est bon quoi. Là, il n'y a pas de fascisme. Là, c'est égalitaire. Voilà. Je voudrais vous entendre un petit peu. Je me suis assez entendu comme ça. Comment tu t'appelles ? Philippe. Donc là, vous parlez que des émoïs, c'est-à-dire les Sparses, pas les ilotes. Vous parlez pas des 250 000 ilotes. Parce qu'il y a 10 000 émoïs, c'est-à-dire les hommes égaux, mais ensuite il y a 250 000 ilotes qui font tout le travail, la production agricole, la servitude, et qui eux sont pas du tout égaux. Ils sont même sous le joug de la cryptie, c'est-à-dire... Non, vas-y, c'est super. Oui, donc la cryptie, alors, je sais pas comment donner le terme, c'est... C'est des assassins, donc sont et dans leur formation, les Spartiates ont même un passage rituel à un moment de leur formation où ils doivent participer à la cryptie et tuer un ilote. Et donc tous les ans, ils font une guerre rituelle aux ilotes. Ils déclarent la guerre aux ilotes qui vivent sur leur territoire pour les maintenir dans la terreur. Donc oui, il y a cette idée d'égalité entre eux. Donc ils ont les mêmes vêtements, que ce soit du roi ou soldat. Ils ont les mêmes habitations, les mêmes terres, mais en même temps, ils vivent dans une communauté élargie qui comporte 10 fois ou 100 fois plus de personnes qui sont les ilotes. C'est exact. Non, vas-y. D'accord. On en parlait tout à l'heure en disant... D'accord, ben, je t'en prie. Ben, bienvenue. On en parlait tout à l'heure en disant que... Donc on fait la distinction entre l'aspect égalitaire et l'aspect fasciste. Et en effet, avoir plusieurs strates de citoyenneté, c'est pas égalitaire. Et comme tu dis, il y a une raison. C'est que les Spartiates étaient moins nombreux. C'est-à-dire que les Spartiates, c'est des Doriens. C'est un peuple qui s'est installé et qui a pris possession du territoire. Mais ils étaient moins nombreux. Et donc... Pour équilibrer leur système, ils assassinaient. Enfin, en tout cas... Je crois qu'ils appelaient ça une guerre rituelle qui était tous les ans, de manière officielle. Enfin, ils déclaraient la guerre sur leur territoire, aux ilotes. Et... Il y a un exemple d'un jeune homme, Decton. Decton était fils d'un Spartiate de plein droit et d'une Messénienne. Et ce jeune homme, il était extraordinairement plus fort que ses camarades. Il était plus grand, on l'appelait trois jambes parce qu'ils n'arrivaient pas à le coucher par terre. Et quand il est devenu jeune homme et qu'il a combattu, il s'est distingué, son mentor était blessé. Et il était entouré de trois ennemis. Il a tué les trois ennemis. Il s'est distingué. Deux fois, les hommes de Sparte lui ont proposé de devenir Spartiate. Deux fois, il a refusé. Ils ont failli le tuer. C'était au moment où ils sont partis en guerre. Ils ont dit, on fait quoi avec ce mec-là? On va l'avoir dans nos rangs. On ne sait pas. Il est avec nous, il n'est pas avec nous. Ils ont failli l'assassiner. C'est-à-dire qu'ils sont allés, ils l'ont attrapé la nuit et il a été défendu, mais il était déjà ficelé, il était bon à être égorgé, quoi. Donc c'est quelque chose qui existe. Et lui, il refusait de devenir un Spartiate parce que c'est des assassins. Parce qu'il y a un aspect très fort fasciste à Sparte. Voilà, donc ça c'est un exemple. On disait, je sais pas exactement ce que tu as entendu, on disait aussi tout à l'heure que quantifier le temps que le Spartiate passait avec son épouse toutes les nuits où ils avaient des actes d'amour, c'est quand même voilà. Donc c'est ça, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent d'autres expériences égalitaires dans... Comment tu t'appelles? Bonjour. Moi, c'est Antoine. Moi, c'est Frédéric. Oui, ben, je pense qu'il y a un problème avec Sparte, déjà, c'est que c'est des genres de choses qui a pu faire rêver un... Moi, je le dis prétendu parce que j'ai horreur de sa théorie, mais enfin, qui est reconnu, enfin, considéré comme un philosophe, qui se sert cher et insupportable Nietzsche. N'est-ce pas le mythe du surhomme? Donc, moi, je crois qu'il faut toujours éviter ça si on veut une société égalitaire, qu'il soit vraiment. Parce qu'on peut être égalitaire quels que soient ses problèmes. Quand vous avez le malheur, vous n'avez pas choisi de naître avec un handicap, vous êtes pourtant un citoyen comme les autres. Or, à Sparte ou autre, si vous n'avez pas toutes vos facultés, si vous n'êtes pas capable d'être un vrai combattant, vous êtes forcément quelqu'un de sous-homme. Donc, c'est déjà totalement inadmissible. Je dis ça parce qu'il se veut que j'ai eu des problèmes de santé et que je suis handicapé, même si ça se voit pas. Donc c'est juste une parenthèse. Mais c'est pour dire comme ça qu'il y a des choses qui sont... Non. Alors, comme exemple d'égalité, vous avez par exemple, dans l'histoire, il y a eu le phalanstère. C'était pas mal, sauf que c'était difficile à faire durer dans le temps, que tout le monde puisse toujours vivre ensemble, etc. Ah bah, c'est l'idée que tout le monde... On construit donc une société où on fait à la fois la production... L'usine, les maisons, tout le monde vit ensemble. Admettons, on aurait la place ici, vous avez ici tous les bâtiments, et alors d'un côté vous avez l'entreprise, vous avez les habitations, tout est lié ensemble dans une sorte de cité d'habitation et de travail. Alors, dans le phalanstère, il est prévu dans le phalanstère, les gens vivent ensemble chacun dans leur famille, dans leur logement. Le phalanstère, il y a une structure qui est prévue pour garder les enfants, une sorte. Alors qu'à là, le phalanstère, ils ont quand même un maître d'école et une école. L'autre, c'est assuré aussi par la structure sociale qui s'est intégrée en phalanstère. Et il y a une crèche, machin, tout ça, et ils ont des strates. Donc pour s'occuper de la. Et les autres, ils ont leur appartement. Mais sans ça, ils vivent en communauté, comme ça. Et donc, ils élisent alors, généralement, c'est le bienfaiteur qui lance. Il y a eu certains en Angleterre ou autres qui ont tenté, dans le nord de la France, ou qui avaient financé la construction et qui étaient supposés un patron, mais un patron qui se voudrait en comme ça. Et alors, qui était approuvé, il faisait approuver sa gestion par ses ouvriers. Et donc... Il fallait ensuite qu'ils viennent. Alors ils décidaient ensemble, ils proposaient le temps de travail, l'emploi de la semaine. Alors aussi un collectif qui s'occuperait, alors élu, qui s'occuperait des récréations qu'il y aurait les jours où on ne travaille pas, etc., etc. Et tout le monde, alors à proportion de sa capacité de travail et de son niveau d'études, de fonction, et qui aurait été accepté comme contremaître ou employé, auraient les salaires fixés sur une grille qu'ils auraient accepté ensemble, etc., etc. Et tout le monde pourrait vivre ainsi dans un monde avec les mêmes les appuis, tout le monde qui s'entraiderait s'il y a un problème, etc. Bon, hop. Je vais t'interrompre juste un moment parce que... Je crois que quand même l'exemple sociétal, quand il n'est pas replié sur lui-même, parce que c'est qu'il y a une petite échelle, ce qui a été tenté mais qui a duré peu de temps parce que l'État... bourgeois l'a voulu écraser, au niveau large, le plus large, de tentative de société commune, même en laissant en l'État, mais en essayant de la construire ensemble, c'est la commune de Paris quand même. D'accord. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, après je te passe le micro tout de suite, mais je vous le passe à tous. Hein. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est ce qu'il a dit, c'est que vraiment je crois en ça, c'est qu'une société... Elle doit donner la place à tout le monde. Dans une famille, dans un groupe, dans un quartier, il y a des forts, il y a des très forts, il y a des normaux, il y a des faibles. Il faut la place pour tout le monde. C'est essentiel. Alors, tu as dit, à Sparte, c'était dès qu'ils étaient nés, s'ils supportaient pas le vin, on les foutait dans le trou, hein, tout de suite, quoi. Voilà. Moi, ça m'a fait plaisir ce que tu as dit. Comment tu t'appelles ? Gérard. Ouais, Gérard, mais sur le Familistère, il y en a un qui est célèbre en France, c'est le Familistère de Godin, qui a été habité jusque... Voilà, Godin, fabricant de poils, qui a existé, qui a été habité, le Familistère, et qu'on peut visiter encore, jusque dans les années 1965-66. Mais c'était un patron qui avait décidé effectivement de faire vivre ses ouvriers dans une espèce de société idéale. Ça se rattachait à tout ce qu'on appelait le socialisme utopique des années 1830-1850. Il y en a eu un ou deux aussi aux États-Unis. Mais moi, l'expérience de vie collective et de vie égalitaire, elle est plus connue maintenant, mais ça a été les premiers kibboutz en Israël. Dans les kibboutz en Israël, où effectivement les gens ont été très loin au niveau de l'égalité, il y avait une égalité salariale, quelle que soit la responsabilité qu'on avait, tout le monde était sur un pied d'égalité. Il y avait une égalité de tâches entre hommes et femmes. Les hommes et les femmes pouvaient faire exactement les mêmes tâches, que ce soit des tâches manuelles ou des tâches intellectuelles. Ils ont été jusqu'à au niveau des enfants, les enfants étaient éduqués collectivement, avec tous les problèmes que ça a pu poser, y compris par rapport à des parents qui ne pouvaient pas effectivement voir leurs enfants. Il y a eu une égalité militaire, puisque les deux servaient sous les drapeaux, et ça a duré une cinquantaine d'années, puisque les premiers kibboutz fonctionnant comme ça ont commencé à fonctionner dans les années 1920, quand sont arrivés les premiers immigrants ashkénazes pétris du socialisme utopique et du courant socialiste, c'est des sionistes de gauche. Et ça s'est terminé dans les années 80 avec l'arrivée au pouvoir du Likoud, qui a tout fait effectivement pour que les kibboutz disparaissent dans leur idée originale. Je crois qu'il reste un kibboutz aujourd'hui qui fonctionne encore de manière collective au niveau des salaires, mais ils ont abandonné l'exemple d'éducation des enfants collectifs et tout ça. Les enfants maintenant sont éduqués avec leurs parents. Il y a une autre expérience, mais qui touche les enfants, qui a été tentée dans les années 1920 en Russie, par la Kolontai, qui était carrément de prendre les enfants aux parents, d'arracher les enfants aux parents et de les mettre dans ce qu'elle appelait des ruches pour les transformer en citoyens soviétiques modèles. Et ça a duré une dizaine d'années en Russie. Merci. Je vais te répondre. Attends, je te passe le micro. Je vais te répondre. J'ai visité le Familistère de Godin. Je vous le recommande à tous. C'est quand on monte à Lille, on prend à droite, on prend à l'est Saint-Quentin. Il y a 30 bornes. 30 bornes, vous êtes à Saint-Quentin. 30 bornes après, vous êtes à Godin. Et Godin, c'est là qu'est le Familistère de. Je dis des conneries. 30 km. Alors, vous montez vers Lille, vous prenez vers l'ouest Saint-Quentin, et 30 km plus loin, vous êtes à Guise. Et à Guise, il y a le Familistère de Godin, mais il y a encore l'usine. Il y a 400 mecs qui bossent là-bas, qui nous font des poils toute l'année. C'est magnifique, c'est une super expérience. Godin, c'était le fils d'un serrurier qui avait fait un très beau mariage. Et de l'argent de son mariage, c'est un inventeur. Il est pas que riche par son mariage. C'est un inventeur extraordinaire qui a produit ce Familistère. Une monnaie. Les ouvriers de Godin ont une monnaie. Une école pour les enfants qui a donné des ingénieurs. Des complexes sportifs, c'est ce que notre camarade disait de l'expérience réussie, une expérience réussie, voilà. Et alors, pour te répondre sur l'éducation des enfants, Lycurge, donc on était 800 ans avant Jésus-Christ à Sparte, Lycurge pensait que les enfants n'appartenaient pas aux parents, mais à la cité. Et donc, il y avait une éducation qui est partagée. Donc, on est toujours sur cette idée de... Je te rends le micro. Sur la notion d'éducation partagée, c'est quand même enfin, il faut, intégrer le fait que l'éducation uniquement par les parents est relativement récente. Si on va dans les villages, quand on vit à la campagne et tout ça, il y a une coéducation qui est faite par la collectivité. Les enfants ne sont pas laissés seuls en contact avec leurs parents. Il y a aussi l'ensemble de la collectivité autour qui éduque. C'est-à-dire que très souvent, par exemple, vous avez des endroits, et ça se retrouve autour de la Méditerranée assez fréquemment, où on appelle les personnes plus âgées, on les appelle oncle ou tante. C'est-à-dire qu'on leur marque une forme de respect, et c'est vrai qu'eux aussi participent à l'éducation. Ce qui fait que les enfants ne sont pas les copies conformes des parents, mais les copies conformes d'une collectivité. Chose qui a disparu dans le milieu urbain, où maintenant il y a des relations essentiellement entre parents-enfants et le corps enseignant. Moi, à titre personnel, je le déplore. Je pense que c'est une richesse, effectivement, quand il y a d'autres apports que les apports stricto sensu des parents. Ouais, non, mais ça, un coup j'étais avec un pote musicien qui a quelques années de plus que moi. Il était mécontent. On était dans un bar et tout. Et le Yacine, le mec du bar, il lui a parlé en arabe. Il lui a dit oncle pour qu'il se calme et tout. On avait du mal. Mais il y avait ce respect qui lui montrait un aîné. Et bon, voilà quoi. C'est ça. C'est l'idée que tu peux un enfant que tu connais pas, tu peux lui dire fais attention, fais pas ci, il est aussi sous ta responsabilité, voilà quoi. Ah ouais. D'accord. Bonjour, je suis totalement d'accord avec notre ami qui s'en va, et parce que en fait. Dans les peuples anciens, que ce soit en Afrique, chez les Celtes et ailleurs, en tout cas en Afrique, le mot papa ne définissait pas le père de l'enfant, c'était le père du village. Et donc, le mot papa aujourd'hui qu'on appelle père, papa, celui qui a fécondé l'enfant, en fait, dans les temps anciens, c'était pas ça. Le papa, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le chef ou le maire ou je sais pas quoi. Et donc, pour revenir... En tout cas chez les Africains, mais je pense chez les Celtes aussi. Je pense aussi chez les Celtes, puisque tous les peuples avant étaient un peu... avait de grandes liaisons culturelles et spirituelles. Donc si je dis que c'était que chez les Africains, ce serait vrai et mentir en même temps. Mais en tout cas chez les Africains, le mot papa, mais on peut le voir, le mot baba, en fait c'est pas que chez les Africains, donc je pense chez les Celtes aussi. Parce que dans plusieurs cultures, baba, papa, c'est la même chose en fait. Et donc ça devait être pas que en Afrique. Et donc ce que je voulais dire, c'est que dans les villages, on emmenait l'enfant à 7 ans, 8 ans. Il allait dans la forêt, il allait dans des espèces de monastères, dans des espèces de il allait faire ce qu'on appelle l'initiation. Donc il partait jeune, 7-8 ans, et il revenait 15-16 ans, homme, avec un grand savoir, avec fort. Qu'est-ce qui se passait? Ce qui se passe, c'est que c'est ce qu'on peut voir avant, en fait, c'est l'initiation. Comme, je ne sais pas si vous avez vu les films de Shaolin. Le petit enfant, il va chez le maître Shaolin, et le Shaolin, il s'occupe de lui, il le fait grandir, il lui apprend les mathématiques, tout ça, tout ça. Et donc, en fait, chez les temps anciens, on n'apprenait pas simplement à lire, à écrire, on apprenait à devenir un homme. C'est-à-dire, on apprenait qu'est-ce que c'était le monde, qu'est-ce que c'était l'être, en fait, l'éducation avant a rien à voir avec l'éducation aujourd'hui. L'éducation aujourd'hui, c'est ridicule, c'est se prendre les gens pour des cons, c'est du désapprentissage, et c'est de, en fait, aujourd'hui, par exemple, pour donner un exemple, j'étais dans le métro et il y avait une fille qui lisait un livre épais comme ça. Et je lui dis, tiens, c'est quoi tu lis? Non, une adulte, elle avait 25-30 ans. Et elle lisait un livre épais comme ça. Et je lui dis, qu'est-ce que c'est? Et elle me dit, c'était Trône. Comment on appelle le feuilleton là? Trône. Gone of Throne ou je sais pas quoi là. Game of Throne. Et je lui dis, mais pourquoi tu lis ça? T'as déjà vu le film? Elle me dit, oui, mais c'est pas pareil parce que dans le livre, il y a plus de choses. Et je lui dis, t'apprends quoi avec ça? Elle me dit, non, ça me détend. Et puis j'apprends des choses. Et je lui dis, donc ça se passe, elle se passe où cette histoire? Elle me dit, dans un monde imaginaire. Je lui dis, très bien. Et je dis à une dame à côté, vous avez entendu ce qu'elle dit? Et aujourd'hui, on lit pour se vider l'esprit. On ne lit plus pour se remplir le cerveau. Et donc c'est vraiment le système éducatif dans lequel on nous a mis a tout fait pour nous mettre dans la situation de désapprendre. Et donc, par exemple, lorsqu'on parle aujourd'hui des fermiers ou des gens de la campagne, on les rabaisse. Alors qu'en connaissance, ils ont bien 2 à 3 fois plus de connaissances que nous. Nous, on sait lire des livres, mais eux, ils connaissent les étoiles, ils connaissent tellement de choses. que je pense qu'il y a, il y a même sans aller en Afrique, il y a vraiment, comme disait notre camarade qui est parti, il y a vraiment un gros problème dans l'éducation actuelle, et on prend vraiment les gens pour des imbéciles. Et comment on en est arrivé là? Et comment on est arrivé à faire que il est plus important d'apprendre à lire que d'apprendre à connaître la vie, d'apprendre à connaître l'autre, d'apprendre à connaître les étoiles, d'apprendre... parce que il suffit de regarder le ciel pour comprendre les mathématiques. Ouais, la dernière phrase, en fait, elle était simple. C'est-à-dire que comment ça se fait que apprendre à lire est beaucoup plus important que d'apprendre à connaître les étoiles, d'apprendre à savoir ce que c'est l'eau, d'apprendre à savoir ce que c'est que l'énergie, d'apprendre à savoir ce que c'est que la pensée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met tout ça dans la philosophie. Et la philosophie, c'est un système où on t'apprend à dire, à contredire tout et rien, ça sert à rien. Mais l'éducation avant, on pouvait dire aller dans une école philosophique. C'était ça l'éducation avant. Aujourd'hui, on a fait de la philosophie un espèce de cours secondaire, pas trop important, qui nous apprend à critiquer un livre et rien de plus. Et je pense que l'éducation, elle est faite aujourd'hui pour vider notre cerveau que pour le remplir. Et c'est ça qui nous différencie avec les anciens, c'est ça qui nous différencie avec les peuples de la Terre. Parce que comme l'a dit le monsieur, il suffit d'aller dans les petits villages ou dans des forêts dans le monde. Et l'enfant est beaucoup plus intelligent que l'enfant ici. On a perdu le bon sens. Tout à fait. Nos ancêtres africains, lorsqu'ils parlaient du monde, ils parlaient de complexité. C'est-à-dire découvrir la complexité de l'être et du monde. Aujourd'hui, on parle de science et de religion, de plein de choses. Nous, on employait le mot complexité.